Bonheur ou malheur, cette amitié-là augmentait toujours avec l'âge. Et le jour où ils surent raisonner un peu, ses enfants se dirent qu'ils ne pouvaient pas s'amuser avec d'autres enfants quand un des deux ne s'y trouvait pas. De temps en temps, le père Barbeau s'inquiétait bien un peu de ce que deviendrait cette accoutumance d'être toujours ensemble quand il serait en âge d'homme. Et, se remémorant les paroles de la sagette, il essayait de les taquiner pour les rendre jaloux l'un de l'autre. On tenta aussi de donner à l'un seulement quelque chose dont tous deux avaient envie. Mais tout aussitôt, si c'était chose bonne à manger, ils partageaient. Ou si c'était tout autre amusette, ou ustensile, à leur usage, ils les mettaient en commun, ou se le donnaient et redonnaient l'un à l'autre, sans distinction du tien et du mien. Enfin, c'était peine perdue que de vouloir les diviser d'esprit ou de corps. Et comme on avait à contrarier des enfants qu'on chérit, même quand c'est pour leur bien, on laissa vite aller les choses comme Dieu voulut. Malgré cette grande ressemblance et cette grande inclination, Dieu, qui n'a rien fait absolument pareil dans le ciel et sur la terre, voulut qu'il existe un sort bien différent. Et c'est alors qu'on vit que c'était deux créatures séparées dans l'idée du bon Dieu et différentes dans leur propre tempérament. On vit la chose qu'à l'essai, et cet essai arriva après qu'ils eurent fait ensemble leur première communion. La famille du père Barbeau augmentait, grâce à ses deux filles aînées qui ne chômaient pas de mettre de beaux enfants au monde. Si bien que le père Barbeau n'était pas assez riche pour garder tout son monde avec lui, il fallait bien songer à mettre ses baissons en condition chez les autres. Le père Caillot, de la Priche, lui offrit d'en prendre un pour diriger ses bœufs. La mère Barbeau eut grand-peur et grand chagrin quand son mari lui en parla pour la première fois. Mais, comme elle était grandement soumise à son mari, elle ne sut que dire. Le père avait bien du souci aussi pour son compte. « Il faudra pourtant bien nous y ranger, dit Landry, et c'est à savoir lequel de nous s'en ira, car on nous a laissé le choix, et le père Caillot a dit qu'il ne pouvait pas nous prendre tous les deux. Qu'est-ce que ça me fait que je parte ou que je reste, dit Sylvinet, puisqu'il faut que nous quittions. Je ne pense pas seulement faire à l'affaire d'aller vivre ailleurs. Si j'y allais avec toi, je me disais que tu m'aurais bien de la maison. »